Vous vous nommez ? Demanda le baron à l'artiste quand il revint. Le comte Steinbock. Avez-vous des papiers qui prouvent ce que vous êtes ? Oui, monsieur le baron, ils sont en langue russe et en langue allemande, mais sans légalisation. Vous sentez-vous la force de faire une statue de 9 pieds ? Oui, monsieur. Eh bien, si les personnes que je vais consulter sont contentes de vos ouvrages, je puis vous obtenir la statue du maréchal Montcornet que l'on veut ériger au Père Lachaise sur son tombeau. Le ministre de la guerre et les anciens officiers de la garde impériale donnent une somme assez importante pour que nous ayons le droit de choisir l'artiste. « Oh, monsieur, ce serait ma fortune !» dit Steinbock, qui resta stupéfait de tant de bonheurs à la fois. « Soyez tranquille, » répondit gracieusement le baron. « Si les deux ministres, à qui je vais montrer votre groupe et ce modèle, sont émerveillés de ces deux œuvres, votre fortune est en bon chemin. » Hortense serrait le bras de son père à lui faire mal.